lorsque tes cils se font marron. Sur tes yeux, perle fenêtre, lorsque ton sourire se fait rideau, sur tout entier ton être. La nuit s'installe, elle est fatale, ma sève monte pour s'inscrire dans ta vie. Lorsque tes bras se font en clos sur mon corps nu et chaud, lorsque tes mains sèment de l'or sur ma peau dans chaque pore, la lune est complice, elle éclaire ton calice, ma sève monte pour s'inscrire dans ta vie. Lorsque tes cheveux se font épis de blé, sur ton visage sans sillon creusé, lorsque tes jambes se font fleurs ouvertes, pour une semence offerte. Ton corps joue la mer et fait des vagues mystères, ma sève monte pour s'inscrire dans ta vie. Lorsque ton souffle se fait tempête sur ta terre tout en fête, lorsque tes cris se font chanson sur du plaisir la partition, les anges au paradis chantent cette mélodie, ma sève monte pour s'inscrire dans ta vie. Les anges au paradis chantent pour toi cette mélodie, ma sève s'inscrit dans ton éternité.